cinéma parlant, c'est du mauvais théâtre. Pourrait-il le seul à le dire, mais enfin, je le disais dès cette époque-là, et je trouvais que, comme je viens de te l'expliquer tout à l'heure, le cinéma parlant était une régression par rapport au cinéma muet, parce que, auparavant, la caméra était de nouveau fixe, avec le besoin d'enregistrer le son en même temps, pour qu'il y ait synchronisation, il fallait que ce soit fait en même temps. Après ça a changé, on a fait des progrès. Aujourd'hui, on double les films. À ce moment-là, les doublages, les premiers doublages qu'il y a eu, il fallait voir comment c'était, c'est épouvantable. Alors, donc, il fallait, pour que un film parlant soit bon en tant que parlant, qu'on prenne le son en même temps que l'image. Mmh. On ne pouvait pas se permettre à ce moment-là de prendre le son en plein air, c'était pas possible. On n'avait pas le matériel assez puissant pour accueillir. Je sais même pas s'il y avait des perchistes à l'époque qui vous tiennent le micro au bout de la perche comme maintenant, j'en sais rien. C'était pas possible. Alors il y a eu une évolution. Il est bien évident que c'est dû beaucoup le fait que le parlant était décrié par certaines personnes, dont moi à cette époque-là, est dû au fait que nous nous basions sur ce qui se passait à ce moment-là. Mmh. Nous ne pouvions pas savoir quels allaient être les progrès du parlant. Il est bien évident que si le parlant avait été dès le début, dès 1931, ce qu'il a été en 1935, même en 1935, mon point de vue peut-être était différent. Mais moi, quand je voyais un film parlant à ce moment-là, je trouvais ça horrible. Alors donc, j'étais plutôt pour le muet. Alors tu as dit tout à l'heure que pour toi c'était du mauvais théâtre. Alors tu le dis, puis j'ai lu pas mal de choses où effectivement tout le monde s'accorde pour dire c'était du mauvais théâtre. Et j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi on ne voit que l'aspect théâtre. Pourquoi on ne pouvait pas imaginer les progrès futurs. Dès l'instant où vous aviez une technique, vous pouviez vous douter, enfin je ne sais pas, aujourd'hui, on a le sentiment que c'était évident qu'il y aurait une évolution, de même qu'aujourd'hui d'ailleurs l'évolution continue. Pourquoi à l'époque vous ne l'avez pas perçu? Pourquoi vous... C'est exactement comme si vous aviez un cinéma muet très performant, pour employer un terme d'aujourd'hui, un cinéma parlant complètement ringard, et qu'il devait le rester. Alors qu'en fait, il pouvait évoluer. Oui, mais ça c'était un problème d'évolution de la science. Il y en a peut-être certains qui l'ont vu. Moi j'avoue très humblement que je ne l'avais pas vu, et puis je n'étais pas le seul. Enfin, c'est venu quand même relativement vite. Mais ce qui est curieux d'ailleurs à constater, c'est qu'il a fallu attendre de très nombreuses années, il faut attendre presque notre époque, pour voir tourner des pièces de théâtre, voire même des opéras, dans un cadre qui sort de la scène. Oui. Donc Carmen. Mmh. Bon, mais Carmen, c'est en 1984 qu'on est arrivé à faire des Carmen qui ne sont pas des Carmen photographiées sur la scène. Mmh. Oui, c'est d'accord. Parce que jusqu'alors, il y a eu des pièces de théâtre tournées en cinéma, mais les pièces de théâtre ne sortaient pas de la scène du théâtre. C'est exactement comme au théâtre ce soir que tu vois à la télé. C'est la scène du théâtre. Alors, on a choisi des sujets différents pour le cinéma, même parlant.